tous ceux qui passent à la caisse, ils peuvent prendre ce qu'ils veulent, c'est moi qui paye aujourd'hui. Aujourd'hui tu as confirmé, toute l'année tu as bossé, comme un malade, faut pas guetter, c'est ton jour, viens t'arrêter, tu as tellement cherché l'amour, voilà ma vie. Avancez, avancez, avancez, avancez, laissez la passer, ambiancez, ambiancez, enroulez, avancez, avancez, avancez, avancez, laissez le passer, ambiancez, ambiancez. T'as tellement cherché l'amour, t'as commencé à en parler, c'est le monde qui t'a fait peur à vous. Tu t'es trop trop géré, tu es toujours dans ton pareil. Il reste un peu que tu as laissé, que tu as mis dans diplômé. Faut plus jamais t'as douté, sors la démarche. T'as bossé, t'as veillé, t'as brouillé, t'as mérité. Ce qui te chargeait, t'en déposé, on va avancer. C'est ton moment, Rio, t'es à l'honneur, Rio. Même si le chemin est long, tu l'as fait, Rio. Aujourd'hui tu as confirmé, toute l'année tu as bossé, comme un malade, faut pas guetter, c'est ton jour, viens t'arrêter, t'as tellement cherché l'amour, voilà ma vie. Avancez, avancez, avancez, avancez, laissez la passer, ambiancez, ambiancez, enroulez. Avancez, avancez, avancez, avancez, laissez le passer, ambiancez, ambiancez, enroulez. Faut avancer, tu as fait ça bien, bien j'avais ton mariage. Faites de la place pour les nouveaux mariés, bien j'avais ton mariage. Ils t'ont sous-estimé mais t'as fait ça bien, bien j'avais ton mariage. Faut avancer, tu as fait ça bien, yeah, yeah, yeah, yeah. T'as bossé, t'as foncé, ils t'ont pas cru mais t'as avancé, oh, yeah. T'as cherché, t'as trouvé, c'est ton moment, yeah, yeah. T'es à